Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, 7e épisode de notre série Quitter le pouvoir, Nicolas Sarkozy. La fin d'un quinquennat cristallise souvent la tragédie du pouvoir. Derrière le président se dessine l'homme, et la chute fait souffrir l'homme. Un phénomène qui a touché Nicolas Sarkozy comme il avait touché Valéry Giscard d'Estaing avant lui, une blessure d'orgueil. Triompher, se faire élire président et être évincé au bout du parcours, en d'autres termes, vous avez eu votre chance, vous avez failli, au revoir, circuler, dur humainement. Après un mandat émaillé de scandales et de déclarations à l'emporte-pièce, Nicolas Sarkozy a conscience que ses chances de décrocher un second mandat sont faibles. Et comme ses prédécesseurs, il tarde à se lancer dans la campagne, laissant la voie libre à François Hollande, qui lui taille sa route tranquillement depuis un an. Ainsi, les 8 derniers mois au pouvoir de Nicolas Sarkozy s'articulent entre fatalisme, soubresaut pour sauver l'Europe de la crise, et une campagne qui s'ancre dans une droite dure. Le capitaine navigue à vue, il se lasse même, et semble alterner entre moments d'euphorie en meeting et moments de mélancolie quand les sondages le déclarent perdant. Un enchaînement de faits et de circonstances qui provoqueront le départ de ce président-là par la petite porte, donnant l'impression en effet de rendre les armes sans avoir vraiment combattu. Notre invité aujourd'hui, Ludovic Vigogne, journaliste politique pour l'Opinion, auteur en 2012 du livre intitulé « Ça m'emmerde ce truc, 14 jours dans la vie de Nicolas Sarkozy chez Grasset ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. J'ai pas l'intention de mentir, j'ai pas l'intention de m'excuser. Je connais Vincent Bolloré depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il m'invite, et 20 ans que je refuse. Mais je pense qu'avec tout ce que a subi ma famille, je me devais d'être avec eux le plus tranquille possible. Je voulais vous dire quelle était notre joie devant la fin de ce long calvaire qui a frappé 5 femmes, bulgares, infirmières. La France est en train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulées, qui ont abouti à un échec de l'intégration. Ah non, je ne suis pas fort. Alors, salive. Casse-toi, là. Été 2011. Après 4 ans et demi de mandat et une surexposition médiatique jamais vue, l'inventeur de l'hyper-présidence, qui se mêle de tout, en particulier les faits divers, un crime, une loi, Nicolas Sarkozy doit affronter la dernière ligne droite de son quinquennat, épuisé. À 56 ans, celui qui s'apprête à être père pour la 4e fois voit sa cote de popularité sombrer. Cet été-là, seuls 29% des Français se disent satisfaits de sa présidence. Oh, il est loin le temps où il entraînait si efficacement ses partenaires européens dans la lutte pour le redressement financier lors de la crise de 2008. Le 1er août 2011, donc, lors du dernier Conseil des ministres de l'année, l'ambiance est déjà aux vacances. Les traits tirés, le chef de l'État se lance. À l'ordre du jour, la modification du Fonds européen de stabilité financière. Après le Conseil, il quitte enfin Paris pour le Var, direction le Cap Nègre, dans la propriété du clan Borgogni-Tedeschi, sa belle famille, où il va passer 3 semaines. Dans la presse people, il s'affiche à vélo, en baignade ou chez Nono pour déguster une pizza. La pipolisation de la présidence atteint son paroxysme, les médias assument. Pour certains, c'est l'heure de l'apéro. Pour Nicolas Sarkozy, c'est le premier jogging de vacances à la fraîche, il y a quelques minutes. Monsieur le Président, par là. On se baigne, on fait comme tout le monde, on se baigne, on court, on fait du sport, on lit, on se repose. Un coup de téléphone. Et puis on se repousse, voilà. Pendant ces 3 semaines de vacances, Nicolas Sarkozy devait se lancer dans la rédaction d'un livre. C'est son équipe qui lui avait conseillé d'écrire sur papier pour qu'il s'explique sur les différentes polémiques qui ont ponctué son passage à l'Élysée. Mais il préfère se jeter dans les classiques de Maupassant à Zweig et ne prend pas la peine non plus de lire le projet de campagne que ses conseillers lui ont transmis. Le 19 octobre 2011, sa femme, Carla Bruni Sarkozy, accouche de sa première fille, Giulia. Mais pas le temps de jouer les papas gâteaux. La rentrée s'annonce corsée. L'Italie connaît des difficultés, il faut la sauver. Alors, direction le G20 à Cannes, avec l'aide d'Angela Merkel, il réussit à inciter Silvio Berlusconi à la démission de son poste de président du Conseil, c'est-à-dire premier dirigeant du pays. Bien, mais comment quitter son costume de président pour se lancer dans sa campagne de réélection alors que la zone euro menace de s'effondrer ? Son adversaire, François Hollande, a annoncé sa candidature il y a plus de 6 mois, le 31 mars 2011. Mais Nicolas Sarkozy, lui, repousse cette échéance. Avec la crise, il n'a pas le temps. Pour certains, il se planque. Le 31 décembre, il présente ses derniers vœux aux Français. Il rassure sur la dette, promet des réformes. Le virage à droite s'annonce serré. Et il le martèle. La loi contre la burqa sera appliquée dans l'esprit comme dans la lettre. À l'issue du discours, il franchit la barre de 25% d'intention de vote. François Hollande, pourtant favori, passe sous la barre des 30. Mais c'était sans compter sur la crise et la journée noire du 13 janvier 2012. Le gouvernement a été averti dans la journée par l'agence Standard & Poor's, provoquant aussitôt une réunion en urgence à l'Elysée. À ce moment-là, la perte du triple A est encore une rumeur, jusqu'à ce que François Baroin viennent l'annoncer sur le plateau de France 2. Oui, je vous confirme que la France a reçu, comme la plupart des pays de la zone euro, une modification de sa notation. C'est un abaissement, un changement de note d'un cran. D'un cran. C'est la même agence qui avait dégradé les États-Unis. Elle nous avait prévenu il y a à peu près un mois. C'est une demi-surprise. Donc. Un cran du triple A au AA+. La France quitte avec l'Autriche le cercle de plus en plus restreint des pays les mieux notés. Triple A, AA+, BB, ces lettres sont des indicateurs destinés à renseigner les marchés sur le niveau de confiance qu'ils peuvent accorder à un pays auquel ils prêtent de l'argent. Plus la note est haute, plus le taux auquel ce pays peut emprunter sur les marchés s'avère avantageux. Et plus elle est basse, plus les taux sont assommants, quand le marché fait la loi. 3 jours après la perte du triple A, le 16 janvier 2012 donc, le roi d'Espagne Juan Carlos décore Nicolas Sarkozy pour son engagement dans la lutte contre le terrorisme des séparatistes basques de l'ETA. Dans l'après-midi, lors d'une conférence de presse, un journaliste l'interroge sur la dégradation de la note française. « Ça ne change rien », répond-il. « Bon, ben tout va bien. » À ceci près que quelques semaines plus tôt, il disait à ses collaborateurs « Si on perd le triple A, je suis mort ». Une forme d'aveu du primat de la finance sur le politique. Et décidément, quand ça ne veut pas, à moins de 3 mois du premier tour, rien n'est prêt pour la campagne du président sortant. Pas de local, pas d'équipe. Comme une fuite en avant, le chef de l'État multiplie les déplacements à l'international, à tel point qu'on en vient à se poser une question surréaliste. A-t-il vraiment envie de mener cette campagne ? Un doute qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Car de son côté, le 22 janvier, en pleine bourre, aminci et paraissant très en forme, François Hollande entame un virage serré à gauche lors de son discours du budget. Il veut taxer les riches à 75%. Nicolas Sarkozy, lui, doit quitter son rôle de capitaine d'un bateau à la dérive. Il doit, même à contre-cœur, se lancer dans la course et faire une embardée à droite. Dans son équipe, 2 camps s'opposent. D'un côté, ceux qui veulent annoncer des réformes difficiles, un clan porté par Xavier Muscat, le secrétaire général de l'Élysée, et par le conseiller politique Alain Minc. De l'autre, une équipe menée par un politologue qui murmure à l'oreille de l'hyper-président depuis 2007 et prône une campagne bien à droite. Un certain Patrick Buisson, devenu l'éminence grise du président sortant et qui, 10 ans plus tard, donc aujourd'hui, sera celle du candidat le plus furieusement à droite de l'échiquier politique. Mais revenons à 2012. Dégarni, le crâne ovale, des lunettes lui devant la moitié du visage, ce Maurassien qui s'est engagé chez les royalistes de l'Action française dans sa jeunesse ne sourit jamais. Buisson le Marmoréen. Dans les années 80, il écrit pour Minute, publication d'ultra-droite, dont des proches disaient qu'en la lisant, on avait en même temps la nausée et les mains sales. En conseillant le royaliste Philippe de Villiers, Alain Madelin ou François Bayrou, Buisson s'est rapproché du pouvoir. C'est à lui que l'ex-ministre de l'Intérieur, Sarkozy, doit en partie sa victoire de 2007. La campagne sera donc anti-élite. Après Napoléon III et De Gaulle, Sarkozy et Buisson font appel au référendum, qui est aussi un levier populiste. Objectif, hameçonner les électeurs du Front National en assurant que leur parole sera respectée. À la veille de sa déclaration de candidature, Nicolas Sarkozy n'a toujours pas de directeur de campagne. Il propose le job à la dernière minute à Guillaume Lambert, son ancien chef de cabinet. Puis, le choix se porte sur deux porte-parole que tout oppose. Sur sa gauche, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui appelle à un front républicain contre le FN. À sa droite, Guillaume Pelletier, devenu compagnon de campagne aujourd'hui d'Éric Zemmour, aux côtés de Patrick Buisson, comme on se retrouve. Côté QG, on choisit un local plus que banal, rue de la Convention, dans le 15e arrondissement de Paris. Quand Emmanuel Mignon, son ex-directrice de cabinet devenue sa chargée de projet, y entre pour la première fois, la poignée de la porte lui reste entre les mains. Mauvais signe, dira-t-elle. Quant au slogan « La France forte », au Parti Socialiste, on ricane. En 1981, le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, avait perdu face à la gauche avec deux phrases terriblement contre-productives. Il faut un président à la France comme si elle n'aurait pas eu pendant 7 ans. Et justement, pour une France forte. Mauvais présage, bis. Si elle ne démarre pas sous les meilleurs auspices, après ce faux suspense surjoué que les politiques affectionnent, Nicolas Sarkozy annonce enfin sa candidature le 15 février 2012, 2 mois et 1 semaine avant le premier tour. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. La situation aujourd'hui de la France, de l'Europe et du monde, qui connaît depuis 3 ans une crise absolument sans précédent, je devrais dire une succession de crises sans précédent, fait que ne pas solliciter à nouveau la confiance des Français, ça serait comme un abandon de poste. Est-ce qu'on peut imaginer le capitaine d'un navire dont le bateau serait en pleine tempête dire « ben non, je suis fatigué, je renonce, j'arrête ». Le candidat est accro au sondage. Il vibre selon les pourcentages et plonge avec la courbe quand elle baisse. Il paiera le prix de cette addiction d'ailleurs dans l'affaire dite des sondages de l'Élysée. Mais c'est une autre histoire qui se cachait derrière un buisson. En février 2012, malgré l'annonce de sa candidature, les instituts placent toujours François Hollande devant Nicolas Sarkozy. C'est la première fois qu'un président sortant n'est pas en tête. Pourtant, à chaque meeting, chaque réunion, les salles sont pleines à craquer. Les drapeaux français virevoltent dans les airs. Nicolas Sarkozy improvise ses discours. Il y va au feeling. Il faut dire que les relations se tendent avec sa plume et conseiller spécial Henri Guénaud, qui est en conflit avec Patrick Buisson. Tellement différents tous les deux, sur le fond comme sur la forme. Le conseiller spécial du président fatigue face à la ligne droitière prônée par l'ex-royaliste. Les journalistes, eux, suivent le candidat de l'UMP partout. Et l'animal médiatique sort de sa tanière. À quelques semaines du premier tour, il monte sur le ring. Mais décidément... Quand ça ne veut pas, le 1er mars 2012, le bain de foule tourne au pugilat. Alors qu'il avait prévu d'aller à la rencontre des Bayonnais, il est accueilli par des sifflets, des œufs et des Sarko, président des riches, ou Nicolas Campora. Nicolas dégage, en basque. Dans la citadelle, les CRS font face à des indépendantistes basques et des militants socialistes. Le candidat président se retranche alors dans un bar, bayonnais, dans les deux sens du terme. Il faut faire appel aux CRS. L'amateurisme de son équipe de campagne est criant. Mais le président candidat renfile les gants et son ring, ce sera Villepinte. Le 11 mars 2012, après un mois de campagne, le Sarkoton reprend. Et le voilà comme ressuscité, marchant sous la houle des drapeaux tricolores, pendant que son concurrent François Hollande, lui, marche sur l'eau, plus porté par le rejet du président sortant que par une véritable adhésion, la suite le prouvera. En tout cas, à Villepinte, ce jour-là, selon la police, 70 000 personnes répondent présentes. Alors que la capacité de la salle est de 30 000, on a dû en mettre 40 000 sur le toit. Jeux de lumière, clips de campagne diffusés sur écran géant, arrivée de rockstar et poignée de main. Au premier rang, on distingue la carrure épaisse de Gérard Depardieu ou la chevelure blanche de l'académicien Jean Dormesson. Sur scène, le candidat se lance dans un discours qui ancre sa campagne dans les fondamentaux de la droite. Il veut réduire l'immigration illégale par 2, durcir les accords de libre circulation de Schengen. Alors, côté militant et personnalité politique, c'est l'euphorie. Il le fallait. Il y avait un peu un blanc, et là, on est reparti à bloc. Si on perd, ce sera vraiment ça terrible, je trouve. C'est le meeting qui nous permet de signer la fin de la récréation, je le dis très clairement à M. Hollande. Et laissez tomber les sondages. Quand ils sont bons, ça anesthésie. Quand c'est mauvais, ça déprime. Je vais être critiqué, je vais être attaqué, mais je m'en moque parce que j'ai dit la vérité. Le soir même, un sondage fait passer pour la première fois Nicolas Sarkozy devant François Hollande. Le croisement, c'est maintenant, jubilent les militants de la France forte sur Twitter. Mais la ferveur dissimule en vérité un échec annoncé. Celui qui voulait se lancer dans une campagne anti-élite n'y arrive pas. Et certains sont bien décidés à lui mettre les bâtons dans les roues. En l'occurrence, les résistants d'ArcelorMittal. Le 16 mars 2012, en fin de matinée, quatre cars se garent non loin du QG de campagne du candidat dans le 15e arrondissement. 200 salariés d'Arcelor venus de Lorraine en descendent, gilets orange, stickers et drapeaux de la CGT ou de FO fièrement arborés. En lutte pour le redémarrage des hauts fourneaux, ils veulent provoquer la rencontre avec le président candidat. Mais alors que le sidérurgiste approche de la rue de la Convention, à midi, Nicolas Sarkozy prend la poudre d'escampette. Le tout sous les micros et caméras des journalistes venus assister à ce rendez-vous improvisé qui s'annonçait musclé. En guise de comité d'accueil pour les ouvriers de Florange, des gaz lacrymogènes lancés par des gendarmes mobiles qui quadrillent le quartier. La France qui se lève tôt va devenir le cauchemar de celui qui avait tenté de la séduire. Mais le 19 mars, changement de ton, changement d'atmosphère, un événement tragique interrompt la campagne présidentielle. Effondré, un à un, les élèves quittent l'établissement accompagnés de leurs parents. Ce matin, à l'heure de l'entrée en classe, certains ont assisté à une scène d'horreur devant le collège-lycée d'Ozaratora. Maman, d'un coup, on entend des coups de feu d'un coup et on a eu tous très peur. La CPE et tout ça, on a appelé la police et les pompiers et tout ça. On était tous choqués. Après avoir assassiné à bout portant trois militaires à Montauban, le 11 et le 15 mars, un tueur à scooter, casqué, équipé d'une GoPro, se rend le 19 aux abords du collège-lycée juif aux Zaratora. Il abat un professeur de religion, ses deux enfants de 5 et 4 ans, ainsi que la fille du directeur de l'établissement, âgée de 7 ans. Une horreur. Pour la première fois dans l'histoire de la 5e République, un événement interrompt la campagne présidentielle. La France retient son souffle. Nicolas Sarkozy et François Hollande annulent leur passage télévisé respectif. Le 21 mars, à Montauban, une cérémonie d'hommage aux trois parachutistes assassinés est organisée. Outre le président de la République, son premier ministre François Fillon et plusieurs ministres, sont également présents cinq autres candidats à la présidentielle, François Hollande, François Bayrou, Eva Joly, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Les enquêteurs identifient le tueur, Mohamed Merah, un franco-algérien de 23 ans. Le terroriste retranché dans son appartement est abattu le 22 mars lors de l'assaut donné par les policiers du raid. La campagne reprend et avec elle, de nouveaux thèmes émergent dans les discours de certains candidats où s'accentue chez d'autres la sécurité et l'islam. La ligne ultra-droitière de Buisson colle avec les événements. Alors, Nicolas Sarkozy se noie dans l'obsession identitaire pour récupérer les votes des militants FN indécis. Et finalement, ça fonctionne. Au premier tour, il recueille 27,18% des voix contre 28,63% pour François Hollande. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. l'avons caché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, si le monde était beau, nous l'avons gâché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Dès le lendemain du premier tour, Nicolas Sarkozy essaie de récupérer les 17% de Français qui ont voté pour Marine Le Pen. Dans un commerce de longs jumeaux dans l'Essonne, fief de sa porte-parole Nathalie Kosciusko-Morizet, il déclare alors que le FN est compatible avec la République. S'il y a une candidate du Front National, c'est qu'elle avait le droit d'être candidate. Donc à partir du moment où vous vous présentez aux élections, vous avez le droit de vous présenter aux élections, à ma connaissance, vous êtes compatible avec la République. Lors d'un meeting à Toulouse, le 29 avril, il prononce à 79 reprises le mot « frontière ». Le ton est donné. Nicolas Sarkozy souffre des mêmes maux que ses prédécesseurs de droite depuis l'éclosion du FN. L'énorme caillou dans la chaussure, la course à l'échalote pour les thèmes totems du Front National, immigration et sécurité. Mais dans l'équipe du président sortant, la tempête idéologique gronde. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, est interrogé sur son choix en cas de duel aux législatives entre un candidat du PS et un candidat du Front National. Il répond « Je ne voterai pas pour le FN ». Pendant ce temps, l'Élysée est en mode « Fuyons, on quitte le navire ». Le palais tourne au ralenti, mais Nicolas Sarkozy se met à y croire. Dans son bureau, à son fils Jean, il glisse un soir « On va l'exploser. Ceux qui se décideront à la dernière minute iront voter pour moi ». En arrière-plan, les 12 affaires judiciaires dans lesquelles le président est cité se décident au fil des jours. Le 28 avril, 6 jours après le premier tour, Mediapart lâche une bombe. Selon un document officiel libyen, le régime de Kadhafi aurait débloqué une somme de 50 millions d'euros pour financer la première campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'accusation est énorme. Depuis plusieurs semaines, les journalistes de Mediapart l'affirment. L'enjeu de la réélection de Nicolas Sarkozy est vital. Elle lui permettrait d'échapper au juge grâce à l'immunité que confère le statut de président. Il reste peu de jours. Nicolas Sarkozy fait l'autruche et propose à ses militants de célébrer ce qu'il appelle la vraie fête du travail pour le 1er mai. Et une polémique de plus. Ce meeting au Trocadéro à Paris réunit 60 000 personnes. La tour Eiffel se dresse derrière le chef de l'État. Et le peuple de droite est dans la rue pour la première fois un 1er mai. Je me battrai jusqu'à la dernière seconde de la dernière minute. Combien était-il ? 200 000 à affirmer Nicolas Sarkozy, au moins 100 000 selon une agence de presse, pour ce dernier grand rendez-vous de campagne. Oubliez la fête du vrai travail qui avait fait polémique. Pour autant, le candidat interpelle les syndicats sans ménagement. Je le dis aux syndicats, posez le drapeau rouge et servez la France. Votre rôle n'est pas de faire de la politique. Laissez de côté les partis, car votre rôle n'est pas de défendre une idéologie. Dans la République, ce ne sont pas les syndicats qui gouvernent, c'est le gouvernement. Nous voulons de grands projets pour un grand pays qui s'appelle la France. Nous ne voulons pas de la lutte des classes, nous ne voulons pas du socialisme. Le lendemain 2 mai, direction la Plaine Saint-Denis pour le débat télévisé de l'entre-deux-tours. Alors que son équipe le pensait requinqué par le meeting exalté de la veille, au moment de quitter sa loge, juste avant de rejoindre le plateau, Nicolas Sarkozy se tourne vers ses collaborateurs et lâche « Ça m'emmerde ce truc !» Stupeur, personne ne réagit. Le candidat est déjà arrivé devant les caméras et le duo de journalistes animateurs du débat, maître des horloges, en principe, ouvre le débat. Et puis, vient le moment de la fameuse anaphore de François Hollande. « Moi, président de la République, comme des coups de boxeur, assénés les uns après les autres, et Nicolas Sarkozy ne réagit pas, ne le coupe pas, comme sonné avant même le chaos. » Le président candidat ne leurre plus personne, pas même son équipe. Et François Bayrou en rajoute une couche. Pour la première fois, le centre se désolidarise de la droite. Historique. Nicolas Sarkozy, après un bon score de premier tour, s'est livré à une course-poursuite à l'extrême droite dans laquelle nous ne retrouvons pas nos valeurs. Reste le vote pour François Hollande, c'est le choix que je fais. 6 mai 2012, c'est l'heure du dernier combat, le deuxième tour. Et dès les premiers dépouillements, on sent que Nicolas Sarkozy va perdre. À 17h45 à l'Élysée, sa plume, Henri Guénaud, dicte un texte. Trois quarts d'heure plus tard, les feuilles sont imprimées. Dans le salon vert, on relit. Autour de Nicolas Sarkozy, il y a Buisson, Goudard, Giacometti, Musca, Mignon, NKM, Carla Bruni, son épouse, ainsi que l'ami, la mannequin Farida Kelfa, qui réalise un documentaire sur le candidat. Sur les pages imprimées du discours, le président ajoute au stylo « Je ne ferai plus jamais de politique ». La suite, le conseiller Patrick Buisson la raconte dans son livre « La cause du peuple ». Le président battu n'était nullement abattu. Il me demanda de faire un premier commentaire, me confirmant en cette fin de règne dans mon rôle de chroniqueur. Puis l'huissier introduisit Alain Juppé et François Fillon, et l'usage établi voulait que je cédasse ma place face au président de la République lorsque le Premier ministre nous rejoignait pour une réunion en cours. Une humeur frondeuse m'incita cette fois à n'en rien faire. Le président relut à haute voix le discours qu'il allait prononcer pour prendre acte des résultats. Il biffa le mot « échec » et le remplaça par « défaite ». Alain Juppé eut l'élégance d'intervenir pour lui suggérer de supprimer un « jamais » qui scellait un peu trop solennellement le caractère définitif de son renoncement à la vie politique. Nicolas Sarkozy est déjà à la mutualité près du boulevard Saint-Germain. Et c'est ici qu'il va prononcer son discours de défaite. Les militants se tiennent par les épaules, les yeux embués, dans un silence de plomb interrompu par des « merci, Nicolas ». Finalement, il ne fait pas ses adieux, donc c'est rien de définitif. Non, il choisit volontairement une formulation vague et affirme qu'il va redevenir un Français parmi les Français. Et puis vient la conclusion, il improvise et achève son discours par un « je vous aime ». 9 minutes 50 qui s'achève sur une Marseillaise exaltée. Il est 23h dans les appartements privés de l'Élysée au second étage du palais. Le candidat battu appelle son ancienne directrice de cabinet, Emmanuelle Mignon. Elle était à la brasserie luxueuse du Plaza Athénée, avenue Montaigne, avec son ami, le publicitaire Jean-Michel Goudard, et l'un de ses conseillers officieux, le politologue Pierre Giacometti. Vous êtes où ? Venez donc prendre un verre, leur lance l'ancien président. Alors il regagne l'Élysée en quelques minutes. Patrick Buisson ne viendra pas. Avec Carla Bruni, ils sont à peine 4. Mais son épouse le rassure. C'est dire heureuse des temps qu'ils vont pouvoir passer ensemble. Son portable vibre parfois des SMS de félicitations pour son allocution à la mutualité. Il ne répond à aucun appel. Puis il libère ses hôtes. Le futur ex-président rentre chez lui dans le 16e arrondissement. En route, il téléphone à son conseiller en communication, Franck Louvrier. Quelques heures plus tard, il passe un coup de fil à Claude Guéant, son ministre de l'Intérieur, pour connaître son score quasi définitif. Une fois chez lui, il ne trouve pas le sommeil. Alors il appelle François Hollande, qu'il connaît depuis des années, et lui dit « Beau joueur, dors bien, c'est ta dernière nuit de tranquillité. Protège ta femme et tes enfants. » Dès le lendemain, 7 mai, il lui reste 15 jours aux manettes de la France. Alors il prépare la visite du président ivoirien et, s'inspirant de ce qu'avait fait François Mitterrand en invitant son successeur Jacques Chirac au même défilé 17 ans plus tôt, Nicolas Sarkozy convie son successeur François Hollande à la cérémonie du 8 mai qui commémore la capitulation d'Allemagne. C'est inédit. Les deux hommes font belle figure sous l'Arc de Triomphe. Vous devenez aujourd'hui le 7e président de la 5e République et le 24e président de la République française. Dans son premier discours de chef d'État, François Hollande évoque l'Europe, la crise, et décrit sa conception de l'État, éreintant au passage son prédécesseur. Le gouvernement déterminera et conduira la politique de la nation. Le Parlement sera respecté dans ses droits. La justice disposera de toutes les garanties de son indépendance. Le pouvoir, au sommet de l'État, sera exercé avec dignité, mais simplicité. Le 15 mai 2012, c'est la passation de pouvoir et le dernier jour de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Pour cet événement, il a demandé à sa femme d'être à ses côtés. Avec elle, Xavier Muscat, secrétaire général de l'Élysée, Franck Louvrier, le responsable communication. Ils attendent l'arrivée du nouveau président. La télé est branchée sur une chaîne sportive. Le silence est lourd. À 10h, François Hollande est annoncé. Il arrive seul à l'arrière d'une Citroën C5 grise. Le président normal a voulu faire simple. Son véhicule entre dans la cour de l'Élysée, tandis que la garde républicaine bat la mesure. Il descend et attend quelques instants avant de s'engager sur le tapis rouge. Nicolas Sarkozy sort du palais pour l'accueillir et descend les 7 marches du perron d'honneur pour lui serrer la main. Une fois à l'intérieur, il emmène François Hollande dans le salon des tapisseries. La compagne du nouveau président, l'ex-journaliste Valérie Trierweiler, a droit à la visite du propriétaire, guidée par Carla Bruni qui lui montre son bureau au rez-de-chaussée dans l'aile est. À l'étage, les hommes discutent. Une conversation de moins de 40 minutes. Puis ce sont les au revoir. François Hollande n'accompagne pas sa voiture. À sa voiture, le couple Bruni-Sarkozy. Un sourire triste. Nicolas Sarkozy fait ses adieux au pouvoir. Le 17 mai, pour 8 jours, la famille Sarkozy part se retrancher dans l'un des palais du roi du Maroc, prêté pour l'occasion. Isabelle Balkany, amie du couple, les rejoint. Dans cet immense palmeraie, coupé du monde et des paparazzi, Nicolas Sarkozy loue des films sur Internet et enchaîne toute la filmographie de tel ou tel réalisateur. Aucune information sur la France ne passe les murs épais de la bâtisse ensoleillée. Après un mandat épuisant et une campagne ratée, Nicolas Sarkozy entre dans sa phase de rejet, le martel. La politique, c'est fini. On sait qu'il n'en fut rien. On sait surtout que la défaite à la présidentielle de 2012 n'était rien au regard de ce qu'il connaîtra 5 ans plus tard. Lui pique l'idée, en effet, de revenir dans le jeu en 2016 pour 2017. Mais il doit passer par une primaire, redescendre dans l'arène, lui, l'ancien président, le chef incontesté. Une épreuve et un certain courage. Tout ça pour finir 3e, éliminé, empêché de se présenter. Une humiliation. In all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. Chestnut trees, the wishing well, I'll be seeing you in every lovely summer's day. in everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Quitter le pouvoir, version Nicolas Sarkozy, on en parle avec notre invité Ludovic Vigogne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, journaliste politique à l'Opinion, et vous êtes l'auteur de « Ça m'emmerde ce truc », un livre coécrit avec le journaliste Éric Mandonnet, paru chez Grasset en 2012. Vous connaissez bien Nicolas Sarkozy, vous avez publié « Sarkozy de Neuilly à l'Élysée » avec Bruno Jeudy, paru lui en 2014 chez l'Archipel. En 2007. 2007, d'accord. Et votre dernier livre, « Tout restera en famille », raconte la relation Macron-Sarkozy, 2019 chez Fayard, c'est ça? Tout à fait. Bon, dites-moi, « Ça m'emmerde ce truc ». Moi j'ai l'impression qu'à travers ce titre, il y a tout. Il y a tout de Nicolas Sarkozy, président, candidat, et de ses derniers mois de quinquennat vers une candidature qu'il veut, puisqu'il se présente, mais dont on se dit qu'il ne la veut pas tant que ça, en tout cas beaucoup moins qu'en 2007. Oui, c'est d'ailleurs quand on a eu connaissance de cette confidence-là, ça m'emmerde ce truc, qu'on a décidé de se faire ce livre, parce que on s'est dit avec Éric Mandonnet à l'époque que c'était pas du tout le Sarkozy qu'on connaissait. On connaît le combattant, le boxeur qui jette toujours toutes ses forces dans la bataille. Et durant cette campagne de 2012, il a multiplié les meetings, il s'est battu comme un beau diable, et il a d'ailleurs obtenu un résultat bien plus élevé que ce qu'on lui annoncé les sondages quand il s'est lancé dans le match. Mais c'est vrai qu'il y avait tout en fait une part un peu dissimulée chez lui, un fond de lassitude, une certaine envie d'arrêter qu'on ne percevait pas forcément. Je crois qu'en fait, il faut pas oublier que Sarkozy a fait en fait deux mandats au premier plan. Il a été de 2002 à 2007 l'homme fort du quinquennat Chirac. Il a été de 2007 à 2012 l'hyper-président qu'on sait, et pendant 10 ans, les Français l'ont vu matin, midi et soir sur leur télé, dans leurs journaux. Et je pense que c'est aussi le fruit de ça. Il n'a pas fait deux mandats en tant que président, mais il a fait deux mandats en tant qu'homme politique de tout premier plan. D'ailleurs, jusqu'à l'image, bon, je vais être un peu dur, mais dégradante pour notre métier, l'image de la charrette. Vous vous souvenez de Bien sûr, oui, j'étais dessus. J'étais dessus. Oui, bon, on n'y revient pas, c'est autre chose. On en fera une affaire sensible peut-être un jour de ça, il faut avoir le courage d'en parler. Alors, donc, ça m'emmerde ce truc, c'est par rapport au débat, mais ça dit plus que ça, effectivement. Est-ce que le débat était déterminant, et quel est ce mystère d'un Nicolas Sarkozy qui se laisse boxer par une vingtaine d'anaphores qui ne réagit pas? En fait, c'est lié tout ça. Oui, en fait, cette journée-là, Nicolas Sarkozy a répété le duel avec ses conseillers. Il se montre extrêmement pugnace, extrêmement virulent par rapport à François Hollande. Pendant des jours et des jours, il a dit qu'il allait le défoncer, hein, selon son propre terme, quand il serait face à lui. Et puis finalement, quand il est sur le plateau face à François Hollande, bah, il est beaucoup moins combatif qu'on l'aurait imaginé. Il racontera notamment que l'après-midi, il a eu au téléphone Valéry Giscard d'Estaing, et l'ancien président lui a dit que il fallait laisser François Hollande être agressif, surtout ne pas lui-même être agressif, que c'était ce qu'il avait fait face à François Mitterrand et que ça avait fonctionné. Oui, alors, c'est une histoire aussi de dynamique, on l'a ou on l'a pas. Devant Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy joue cette carte-là, hein, et ça marche. Oui. Ça marche parce qu'il est porté par une dynamique. Là, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de dynamique. Oui, puis Nicolas Sarkozy se voile plus la face, il sait très bien qu'il va perdre, de toute façon. En 2007, il sait qu'il va gagner, et donc il prépare aussi sa stature de futur président. Il fait très attention à la manière dont il se comporte. Et puis Ségolène Royal, elle se montrera assez virulente. Il n'aura pas, et c'est une femme en plus. Donc Nicolas Sarkozy fait très attention à la manière dont il se comporte par rapport à elle. Alors Nicolas Sarkozy est unique parmi tous les autres présidents dans sa personnalité, parce que c'est probablement le plus humain dans la fragilité de l'humain. Hein, est-ce que vous partagez ce sentiment? Oui, moi je trouve que c'est quelqu'un d'assez unique parce que d'abord c'est un livre ouvert, c'est quelqu'un qui ne cache rien de ses sentiments, qui fait de la politique avec ses sentiments, ce qui fait que c'est d'ailleurs, ça a été d'ailleurs très intéressant à suivre parce que c'était pas un sphinx que vous pouviez raconter beaucoup de choses sur lui. Alors, parfois c'était des choses plutôt que d'habitude on cache. On connaît ses déboires conjugaux. En tant que journaliste, on a pu assister à des confidences, à des scènes qui pouvaient être un peu dérangeantes. On est parfois un peu surpris qu'un ministre vous confie ses déboires avec sa femme. Mais malgré tout, c'était sa marque, la clé de sa personnalité. C'est ce qui fait aussi qu'il a détonné dans le paysage politique. C'est ce qui fait qu'il a été regardé différemment par les Français et qu'un lien particulier a pu se créer à un moment donné. Carla et moi, c'est du sérieux, ça résume tout ça en fait. Oui, bah parce que Nicolas Sarkozy, oui, il est comme ça, il ne peut pas cacher les bonheurs privés, ses déboires, on voit tout, il n'a pas de surmoi, il met tout sur la table. On va se retrouver dans 3 minutes évidemment après avoir écouté Lomi comme la fin du monde. Vigogne, on prend notre conversation autour des derniers mois de Nicolas Sarkozy, quitter le pouvoir. On est un peu sur le fond, la campagne. Donc en fait, on a une droite qui se retrouve depuis l'éclosion du Front National dans la même problématique. Comment on drague les électeurs du Front National tout en disant qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Nicolas Sarkozy donc s'adresse à l'extrême droite. Mais Pasquale avait fait en 88 déjà, lorsqu'il était avec Jacques Chirac, il avait dit « Nous partageons un certain nombre d'idées avec le Front National ». Ça a fait une grosse grosse polémique, mais on voit bien le caillou dans la chaussure que Mitterrand a mis, le caillou que Mitterrand a mis dans la chaussure de la droite, il est encore vivace, là, effectivement, Sarkozy souffre des mêmes maux. Oui, sauf qu'après Pasqua, il y a une longue période avec Jacques Chirac où vraiment la, France, oui, la frontière a été très étanche. Mm-hmm. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, lui, va revenir sur cette règle qu'avait dictée Jacques Chirac sous l'impulsion de Patrick Buisson, hein, qui va vraiment le pousser à aller le plus à droite possible. Et en cela, Nicolas Sarkozy va interrompre un peu une règle qui était que un candidat de deuxième tour, qui plus est président sortant, pour gagner, rassemble son camp et va parler au centre. Or, Nicolas Sarkozy va rassembler son camp et parler à la droite de son camp. À ce qu'il y a de plus à droite, aux électeurs du Front National, et parce qu'il pense et que c'est la seule solution pour lui pour l'emporter. Marine Le Pen, en 2012, a fait un très bon score au premier tour. Elle a eu 17,9%. C'était bien plus que ce que les sondages annonçaient. Et Nicolas Sarkozy voit bien que son seul espoir, c'est de faire revenir le plus d'électeurs FN vers lui. Alors, des conseillers qui n'ont pas de point commun, finalement, Buisson d'un côté, Guénot de l'autre, ouais. Ça tire à U et à Dia, c'est pas très bon pour une campagne, ça aussi. Non, c'est pas simple. Après, tous les deux ne sont pas sur le même plan. Vraiment, Patrick Buisson est le stratège principal. C'est vraiment lui qui dicte la ligne, et Nicolas Sarkozy n'achète pas tout ce que lui propose Patrick Buisson, mais en achète quand même les trois quarts. En 2007, c'était différent. En 2007, Patrick Buisson était un conseiller parmi d'autres, et Henri Guénot était un conseiller qui avait une place très importante. C'était notamment celui qui écrivait des discours qui ont beaucoup marqué à l'époque. En 2012, Henri Guénot a une place bien plus marginale. Il se sent pas très à l'aise dans la campagne. Certes, il écrit encore des discours, mais il trouve qu'on parle beaucoup trop d'islam. Il trouve qu'on parle pas assez des questions économiques. Pour Patrick Buisson, les questions économiques sont absolument secondaire. Ce qu'il faut, c'est parler de l'identité, c'est aller parler aux Français qui se sentent en insécurité culturelle, à ceux qui vivent en périphérie, dans les milieux ruraux, et qui ne se sentent plus dans le pays tel qu'ils l'ont connu. C'est ce qu'il appelle les petits blancs. Henri Guénot, lui, est pas tout à fait sur cette ligne-là. Il pense que l'économie, ça a encore de l'importance, et que le rôle du politique, c'est de jouer sur ces ressorts-là plutôt que sur d'autres ressorts. Alors, dans « Ça m'emmerde ce truc », votre livre, vous présentez la nuit de son échec au second tour comme l'anti-Fouquet's. On peut dire que... Pourquoi ça paraît assez clair qu'on dise ça, mais encore. Ben parce que on se souvient tous, hein, en 2007, le soir de sa victoire, dans l'établissement du même nom, Nicolas Sarkozy est entouré des plus grands patrons du monde économique, du monde médiatique. C'est un soir de triomphe pour lui. En 2012, c'est un soir de défaite. Il est entouré uniquement de quelques conseillers. C'est un homme qu'on va quitter. Beaucoup de gens pensent que l'avenir ne passe plus par lui, et donc il se retrouve vraiment sur un cercle très restreint où il n'y a plus que quelques fidèles à qui il va délivrer quelques confidences. Ouais, alors, autre question importante, et finalement, aujourd'hui, on n'a pas vraiment la réponse. Est-ce que le fait qu'il ait paru moins motivé, moins en forme, moins dans une dynamique et avec moins de désir, finalement, c'est lié au fait qu'il se représente pour échapper au problème judiciaire éventuel, potentiel et même probable qu'il attende? Non, je pense pas. C'est la règle classique. Hein. Après, un président sortant a envie de reséduire encore une fois les Français. Enfin, ses prédécesseurs l'ont fait. Lui, il espère bien y parvenir. C'est d'abord ce qui le motive, même s'il y a effectivement cette part un peu d'usure, de fatigue. La fin du quinquennat est extrêmement difficile. Vous le rappeliez, les circonstances économiques sont très difficiles. La dégradation par Standard & Poor's de la note française, le chômage qui remonte, la France paye le coût de deux crises économiques très fortes, et donc la fin du mandat elle est très très très dure. Il y a ce tout sauf Sarkozy aussi qui est la matrice principale de cette élection. Cette élection, c'est un référendum pour ou contre lui. L'élection de François Hollande, c'est d'abord une élection de rejet de Nicolas Sarkozy, puisqu'une adhésion au candidat socialiste. Donc Nicolas Sarkozy affronte tout ça, il joue sa carte, il tente le coup, en sachant très bien que dès le début, ce sera très difficile. Alors souvent, les fins de mandat des présidents non réélus ont été plombées par des affaires, des révélations. Alors c'est pas une... Mediapart n'a pas apporté la preuve qu'il se serait présenté pour échapper à la justice. Concernant l'affaire libyenne, il n'y a pas preuves non plus. Enfin, il y a des accusations. Est-ce que ça pesait? Est-ce que c'était déterminant? Non, sur le moment, ça ne l'a pas été. D'abord parce que on est en toute fin de campagne, que cette révélation paraît tellement énorme que beaucoup de gens ont du mal à y croire que Nicolas Sarkozy peut mettre en avant le fait qu'il a mené la guerre hein, face à Kadhafi quelques mois plus tôt et que donc tout cela n'a pas de fondement. C'est après que ça aura des conséquences, c'est après qu'il sera mis en examen, mais sur le coup, non, c'est pas quelque chose qui joue beaucoup. Dans son discours à la Mutualité, le soir de sa défaite au second tour, il choisit finalement de ne pas déclarer qu'il arrête la politique. Alors, prudence de base, mais enfin, il avait écrit au début, hein, c'était quand même son... C'était dans le texte que lui avait préparé Henri Guénaud, oui. Et puis finalement, il y a cette réunion quelques minutes avant le discours de la Mutualité, où Patrick Buisson et Alain Juppé lui conseillent de ne pas avoir des mots aussi définitifs. Voilà. Donc, on sent bien qu'il est emporté par l'émotion à ce moment-là. Et que finalement, c'est pas le fond du tréfonds de sa pensée, la preuve. Donc, on disait qu'il était peut-être le plus humain parce que le plus transparent au niveau des sentiments, c'est un peu le cas, là. Oui, oui. Et d'abord, ce sera un discours qui sera salué, hein, pour sa hauteur, pour sa responsabilité, pour son côté humain. Même des gens de gauche trouveront que c'est un discours qui fait date. Et d'ailleurs, ça servira Nicolas Sarkozy par la suite. Il a toujours réussi les discours de ses soirs de défaite. Mais dans un coin de sa tête aussi, il y a l'idée évidemment de retenter très vite sa chance. Dès le lendemain de ce discours, dès le lendemain de la défaite, le matin il appelle son premier camarade, son premier lieutenant, Brice Hortefeux, et il lui demande de créer une association pour défendre son bilan. Donc ça veut bien dire qu'il a une idée en tête et que même si pendant quelques années il va se faire discret, si 5 années plus tard il peut retenter sa chance, il la retentera. Alors comment un homme qui exprime sa douleur ou sa joie a-t-il pu supporter quand même le coup terrible de ce qui se passe 5 ans plus tard lorsqu'il est obligé de redescendre dans l'arène, ferrailler avec des gens qui étaient ses affidés, donc il était vraiment le chef? Il y a quand même un certain courage là-dedans, quand même. Oui, il y a du courage. Ben, il y a aussi l'envie de pouvoir. Hein. Il y a aussi l'envie de réussir ce que personne n'a réussi, c'est-à-dire de se faire réélire après avoir été battu. Hein. Valéry Giscard d'Estaing n'a pas réussi. Nicolas Sarkozy ambitionne d'être celui qui y parviendra. Mais ça se passe dès le début. Ça se passe pas très bien son retour. Il revient en 2014. Il se fait réélire président de l'UMP, qu'il va transformer en Les Républicains quelques mois plus tard. Mais ça se passera jamais très bien. Les élections qu'il aura amenées alors, les régionales en 2015, sont un succès relatif pour son camp. Dans les sondages, il est tout le temps devancé par Alain Juppé. Et puis quand il se lancera dans la campagne de la primaire, à nouveau, il y aura une partie de lui qui n'aura pas envie de jeter toutes ses forces dans la bataille. À nouveau, il aura le sentiment que ça va être trop difficile. Et là, en l'occurrence, la campagne sera extrêmement violente. Il y aura les affaires qui alors pèseront de tout leur poids. Il y aura un livre de Patrick Buisson dont on a beaucoup parlé durant cette heure, La cause du peuple, qui règle ses comptes avec lui. Donc, ce sera une campagne, dès le départ, Nicolas Sarkozy saura qu'il a très peu de chances de l'emporter. Le 7 mai 2012, il déclare « J'avais 3 objectifs. Ne pas être humilié par le score, donc en cas de défaite, hein. Ne pas être humilié par le score, ne pas tuer ma famille politique comme Jospin, je le cite, hein. Et ne pas partir ridicule comme Giscard. » Est-ce qu'il a coché les 3 cases, à votre avis? Oui, on peut le dire. Son score est bien meilleur que celui qui lui était donné quand il s'est lancé dans la campagne. Il fait 51,6%. Tout le monde imaginait que François Hollande serait bien plus facilement élu. C'est mieux, 51,6%. Pardon, il fait 48,4%, oui, excusez-moi. C'est mieux que Valéry Giscard d'Estaing quand il a été battu par François Mitterrand. Donc, c'est un score tout à fait honorable qui peut lui permettre de construire d'autres choses pour l'avenir. Il n'a pas détruit effectivement sa famille politique. Hein. Lionel Jospin, en se retirant si violemment en 2002, fait que son camp connaîtra des législatives extrêmement difficiles en 2002, que beaucoup de candidats de députés socialistes resteront sur le carreau. Mmh. Et puis enfin, il n'est pas ridicule, non. On parlait de ce discours de la mutualité, c'est quand même autre chose que le au revoir de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, il faut savoir aussi réussir ses sorties. Je crois d'ailleurs qu'après la défaite à la primaire, il avait été aussi assez digne dans son discours. Oui, tout à fait. Il fait un discours un peu du même acabit qui est Très bien, merci infiniment Ludovic Vigogne. Donc si vous voulez aller plus loin, lisez Ça m'emmerde ce truc que vous avez écrit avec le journaliste Éric Mandonnet. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Quittez le pouvoir, Nicolas Sarkozy, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Laurent Baudouin.